temps si que le lac nous échappe, que le lac nous échappe. Pris dans mes lignes, de mes sombres archives, de mes sombres archives. Regarde mon signe, c'est les hommes qui se targuent d'être l'ange et l'acide. Lis dans les lignes de leur langue nocive, de leur langue nocive. Que l'un d'eux te regarde pour prendre la cime de tes ailes lascives, de tes ailes passives. Le vent se charge de ces hommes qui affirment être l'ange et l'acide. Pris dans les cages de leurs ombres massives, de leurs ombres massives. Les ombres du lac ont de sombres archives, ont de sombres archives.